Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues FR. Salut toutes tous, au sommaire de cette émission, trois albums, Big Days, Jérôme Pietri et Aurélien Moreau Group, et puis deux vieilleries que vous découvrirez en fin d'émission. Nous allons parcourir les écrits des journalistes de Soulbag, Blues Magazine et le site Blues Again pour connaître leur avis sur ces disques. L'album de Big Days s'intitule Chicken in the Car and the Car Can't Go. Blues Magazine, sous la plume de Jérôme Tournet, nous dit ceci. 10 titres pleins d'énergie, dans la plus pure tradition Big Days. La guitare criante se fait entendre sur des shuffles redoutables. Les parties instrumentales de clavier, d'harmonica et de guitare sont vraiment savoureuses et toujours à propos. Christophe Moreau, dans Soulbag, nous indique ceci. Phil Fernandez maintient le cap d'un blues rock signature. Le blues étant teinté de soul et le rock n'oubliant pas sa moitié roll, le shuffle funky d'ouverture donne son nom au disque et rassure. Eh bien voici Big Days, Chicken in the Car and the Car Won't Go. 1, 2, you know what to do. From home, down on the road, I keep telling myself which way I have to go. Is it left or is it right? This road is so long. I'm sure I'll be alright. Chicken in the car, gonna come on go. Chicken in the car, gonna come on go. Stupid, hey. I can't lose. salut à tous. Vous écoutez Big Days sur la Blues Café Radio. Yeah! Gilles Blampin, quant à lui, sur le site Blues Again, écrit ceci. Les 10 titres passent comme une bourrasque emportant tout sur son passage. Il en résulte un album fougueux et brûlant, sans aucun temps mort qui s'écoule avec un réel plaisir. Une excellente production qui met en valeur la plénitude du son grâce à l'alliance du feeling et de la puissance. Et le mot de la fin revient à Blues Magazine. On retrouve même une ballade prenante et inattendue. Fall in Love Again. Jérôme Pietri, Last of the Fishing Days. Voici ce qu'en dit Blues Magazine sous la plume de Christophe Dameux-Leboeuf. le nouvel album de Jérôme Pietri était très attendu dans le petit monde du blues. Sa sortie a été retardée pour cause de pandémie, mais cette période lui a permis de peaufiner les détails pour un résultat des plus intéressants. Le bluesman nous offre 10 plages d'un blues rock électrique aux sonorités qui sentent bon les 70s. Quant à Gilles Blampin, dans Blues Again, le site, voici ce qu'il nous explique. 7 ans se sont écoulés depuis son précédent enregistrement. S'il n'a pas mis au rebut ses cannes, ses moulinets et ses hameçons pour la pêche à la mouche, par contre, il a troqué les cigar box pour de solides Gibson, Fender et Gretsch et a mis fin au One Man Band. Le titre Plastic Island, The Seventh Continent, parle de cette gigantesque et monstrueuse étendue de déchets plastiques qui pollue l'océan Pacifique. This is all true, so true. A world of wonder. A sea of dirt, acting like a giant. What a fire! Plastic Island, to desolation. Gilles Blampin de conclure sur le site Blues Again, toujours inspiré par le triptyque Blues Jazz Rock, Jérôme Pietri laisse entendre un son sauvage et débridé, et au milieu des compositions de son cru, on trouve une savoureuse reprise de Pink Floyd. Bien, mais moi je ne vous ai pas sélectionné Monet de Pink Floyd, car je vous l'ai déjà proposé dans mon ancienne émission Blues Covers. Je vous ai plutôt choisi Blood Money, c'est toujours une histoire d'argent, mais avec du sang. Jérôme Pietri. Aurélien Moreau Group. L'album s'appelle Waiting for Tomorrow. Dans Blues Magazine, Christophe Dame-Leboeuf est dit dithyrambique. Voici ce qu'il nous dit sur cet album. Le tout nouvel album d'Aurélien Moreau est un véritable cadeau du ciel. Dès les premières notes, on se sent transporté. Et cette sensation ne nous lâche pas avant la fin de ce disque. Cet opus est délibérément plus créatif et plus moderne que les deux précédents. Gilles Blampin, sur le site Blues Again, n'est pas moins enthousiasmé par ce disque. Avec ce nouvel album, Aurélien, qui chante et joue de la guitare de manière souple et déliée, nous livre un savoureux mélange riche de diverses sonorités. Avec son approche dynamique, sa musique est chaleureuse et pleine d'énergie. Ne se laissant pas enfermer dans un style formaté, il distille des rythmes parmi les plus vivifiants. Le blues est bien la base solide de la structure, mais rock, funk et pop s'insèrent ça et là pour donner du relief aux propos. Voici Fly. Et voici la chronique de Christophe Moreau dans Soulbag. Nouveau nom pour le Aurélien Moreau Group, qui met beaucoup de soul dans son blues rock, s'ouvrant ainsi un horizon élargi. Son nouveau disque l'illustre avec un répertoire varié, blues, soul et funk, entre rythme classique et chaloupé, avec des changements au sein même des morceaux. On sent l'envie de séduire sans lasser, de suggérer l'énergie et la puissance plutôt que de l'envoyer brutalement. De laisser la place pour raconter des histoires, c'est réussi. Et nous écoutons Therapy. I know it's complicated if you don't talk about you. I know you'll be frustrated if we're not looking at you. Sorry, man, but you're not the only one on earth. Sorry, man, but you're not the center of the universe. You did everything, you've been everywhere. I don't hire nothing, I have my own car. and again you lose. Sorry man, I don't lie, you're not always fun. Sorry man, you're nice, but I'm not your best buddy. You in every tab right, you are an example. I don't hire nothing, I have my whole sample. I know who I am and what I am worth. Please don't know me mad, but the world was spinning before you. Please don't know me mad, but it will cut you after you. Put away your stories and won't walk with me. So shut up and stop therapy. We're not responsible for you like a love and problem. Not guilty for your hearing and your narcissist. Et voici la séquence vieillerie. Tout d'abord, une vieillerie d'il y a 10 ans, en 2012. C'est l'album Jack Bon Slim Combo, intitulé Together Again. Voici ce qu'en disait, à l'époque, le site internet Le Débloque-Notes. Si Jack a perdu la fougue de la jeunesse du Ghana Full des années 70, il a gagné en contrôle, en maturité et en expérience. Plus besoin de se lancer dans de longs solos frénétiques pour toucher l'auditeur, tout comme sa voix qui a gagné en patine, Jack Bon est définitivement un bluesman. À l'aide de sa vieille Stratocaster élimée et de son antique Dan Armstrong, Jack, aidé de ses acolytes, délivre en toute simplicité un blues rock débordant de vibrations saines et positives. Le Jack Bon Slim Combo, c'est un blues rock sans paillettes, sans phare et sans esbrouf. on the ground. Forget that deal, take a breath and run. Run away fast, or you're gonna regret it. Regret it, it's dangerous. Et voici la vieillerie de la vieillerie. C'était il y a 20 ans, Flying Saucers, le CD Radio Gombo, paru fin 2002. Voici ce qu'en disait Joël Bison sur mon site Bleu Blanc Blues. Vous prenez un immense shaker, vous y mettez une bonne rasade de blues, deux traits de Zydeco, une pincée de Tex-Mex et un doigt de rock. Vous secouez. Puis laissez reposer et rajoutez une bonne dose de swing, pas mal de groove et enfin d'humour. Vous aurez Radio Gombo, le dernier CD des Flying Saucers. 12 instantanés, dont 5 compositions en français, saisis sur le vif en studio, un bouquet musical chaleureux et généreux par des musiciens de qualité. We'll be right back. C'était l'émission Blues FR. Bonsoir.